La fin est plus proche que tu ne penses. S'aider les uns les autres, c'est ce qui nous sauverait. Mais vu que c'est du conditionnel et utopique, bah ça reste personnel. J'ai cru que j'aurais pu voir la paix des races s'installer sur Terre. Mais qu'est-ce tu veux, 6 milliards pédérastes? Je peux rien y faire, même si j'essaie de passer outre. J'y pense tous les jours de septembre à août, né pour subir, car changer les choses c'est dur. Des fois j'ai failli quitter tout ça car sinon j'ai trop haï. Conscient de m'être fondu parmi cette masse d'individus, où dans les bas-fonds y'a trop de résidus. Le ciel peut m'attendre, il a pas lié mon teint et mon timbre. Ma voix s'éclaircit, plus rien ne peut m'atteindre. La fin c'est le commencement, en ce moment c'est chaud. Prêt à me tailler les veines, mais plutôt à me couvrir de pansements. S'aider les uns les autres, c'est ce qui nous sauverait. Mais vu que c'est du conditionnel et utopique, bah ça reste personnel. S'aider les uns les autres, c'est ce qui nous sauverait. Mais vu que c'est du conditionnel et utopique, bah ça reste personnel. S'aider les uns les autres, c'est ce qui nous sauverait. Mais vu que c'est du conditionnel et utopique, bah ça reste personnel. La fin c'est le commencement, en ce moment c'est chaud. Prêt à me tailler les veines, mais plutôt à me couvrir de pansements. S'aider les uns les autres, c'est ce qui nous sauverait. Mais vu que c'est du conditionnel et utopique, bah ça reste personnel. Mais pour subir, car changer les choses c'est dur. Des fois j'ai failli quitter tout ça car ce monde j'ai trop haï. Quitter tout ça car ce monde j'ai trop haï. Quitter tout ça car ce monde j'ai trop haï. Quitter tout ça car ce monde j'ai trop haï. Quitter tout ça car ce monde j'ai trop haï.